11. Retour. La vue se découvrait au sortir du bois. Nous étions arrivés au bord des étangs de Chaalis. Les galeries du cloître, la chapelle aux ogives élancées, la tour féodale et le petit château, qui abrita les amours de Henri IV et de Gabrielle, se teignaient des rougeurs du soir sur le vert sombre de la forêt. « C'est un paysage de Walter Scott, n'est-ce pas ?» disait Sylvie. « Et qui vous a parlé de Walter Scott ?» lui dis-je. « Vous avez donc bien lu depuis 3 ans. » Moi, je tâche d'oublier les livres, et ce qui me charme, c'est de revoir avec vous cette vieille abbaye, où, tout petits enfants, nous nous cachions dans les ruines. Vous souvenez-vous, Sylvie, de la peur que vous aviez quand le gardien nous racontait l'histoire des moines rouges? Oh, ne m'en parlez pas. Alors chantez-moi la chanson de la belle fille enlevée au jardin de son père, sous le rosier blanc. On ne chante plus cela. Seriez-vous devenue musicienne? Un peu. Sylvie, Sylvie, je suis sûre que vous chantez des airs d'opéra. « Pourquoi vous plaindre? Parce que j'aimais les vieux airs, et que vous ne saurez plus les chanter. » Sylvie modula quelques sons d'un grand air d'opéra moderne. Elle phrasait. Nous avions tourné les étangs voisins. Voici la verte pelouse, entourée de tilleuls et d'ormeaux, où nous avons dansé souvent. J'eus l'amour-propre de définir les vieux murs carlovingiens et déchiffrer les armoiries de la maison d'Est. « Et vous, comme vous avez lu plus que moi, » dit Sylvie, « vous êtes donc un savant ?» J'étais piqué de son ton de reproche. J'avais jusque-là cherché l'endroit convenable pour renouveler le moment d'expansion du matin. Mais que lui dire avec l'accompagnement d'un âne et d'un petit garçon très éveillé, qui prenait plaisir à se rapprocher toujours pour entendre parler un Parisien? Alors j'eus le malheur de raconter l'apparition de Chaalis restée dans mes souvenirs. Je menai Sylvie dans la salle même du château où j'avais entendu chanter Adrienne. « Oh, que je vous entende, lui dis-je. Que votre voix chérie résonne sous ces voûtes et en chasse l'esprit qui me tourmente, fût-il divin ou bien fatal. » Elle répéta les paroles et le chant après moi. « Ange descendait promptement au fond du purgatoire. »« C'est bien triste, » me dit-elle. « C'est sublime. Je crois que c'est du porpora, avec des vers traduits au XVIe siècle. »« Je ne sais pas, » répondit Sylvie. Nous sommes revenus par la vallée en suivant le chemin de Charlepont que les paysans, peu étymologistes de leur nature, s'obstine à appeler Chalepont. Sylvie, fatiguée de l'âne, s'appuyait sur mon bras. La route était déserte. J'essayais de parler des choses que j'avais dans le cœur, mais je ne sais pourquoi je ne trouvais que des expressions vulgaires, ou bien tout à coup quelques phrases pompeuses de romans que Sylvie pouvait avoir lues. Je m'arrêtais alors avec un goût tout classique, et elle s'étonnait parfois de ces effusions interrompues. Arrivée au mur de Saint-S, il fallut prendre garde à notre marche. On traverse des prairies humides où serpentent les ruisseaux. Qu'est devenue la religieuse, dis-je tout à coup. Ah, vous êtes terrible avec votre religieuse. Eh bien, cela a mal tourné. Sylvie ne voulut pas m'en dire un mot de plus. Les femmes sentent-elles vraiment que telle ou telle parole passe sur les lèvres sans sortir du cœur? On ne le croirait pas à les voir si facilement abusées, à se rendre compte des choix qu'elles font le plus souvent. Il y a des hommes qui jouent si bien la comédie de l'amour. Je n'ai jamais pu m'y faire, quoique sachant que certaines acceptent sciemment d'être trompées. D'ailleurs, un amour qui remonte à l'enfance est quelque chose de sacré. Sylvie, que j'avais vue grandir, était pour moi comme une sœur. Je ne pouvais tenter une séduction. Une toute autre idée vint traverser mon esprit. À cette heure-ci, me dis-je, je serais au théâtre. Qu'est-ce qu'Aurélie, c'était le nom de l'actrice, doit donc jouer ce soir? Évidemment, le rôle de la princesse dans le drame nouveau. Oh, le troisième acte, qu'elle y est touchante! Et dans la scène d'amour du second, avec ce jeune premier tout ridé. Vous êtes dans vos réflexions, dit Sylvie, et elle se mit à chanter. À Dammartin, la trois belles filles, il y en a une plus belle que le jour. Ah, méchante, m'écriai-je, vous voyez bien que vous en savez encore des vieilles chansons. Si vous veniez plus souvent ici, j'en retrouverais, dit-elle. Mais il faut songer au solide. Vous avez vos affaires de Paris. J'ai mon travail. Ne rentrons pas trop tard, il faut que demain je sois levé avant le soleil.